Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Et c'est maintenant le temps de rejoindre directement de... À côté, directement de... Tokyo. Ben ouais, oui, mais on a un bon son, hein, c'est pas pire, il n'y a pas de délai non plus. Sophie Laforêt qui vient de parler des francs couvertes aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je trouvais que Tokyo, c'était un bel endroit pour parler des francs couvertes. donc, c'est ça, les francs couvertes. Oui, c'est encore une fois un événement qui a lieu à Montréal, mais comme la musique n'a pas vraiment d'espace-temps pour ce qui est de faire des bonnes découvertes musicales, j'ai trouvé que c'était un bon prétexte pour pouvoir faire des découvertes du côté francophone. Donc, les francs couvertes, c'est en fait un concours de la relève francophone. Relève, je le placerai entre guillemets parce que il y a des noms là-dedans qu'on connaît déjà qui passent en ondes assez fous à l'occasion. Donc, c'est ouais, Michel Richard est là cette année, puis Michel Rivard aussi. Oui, c'est ça. Couvertes. Non, oui, c'est pas vrai. Exactement. Oui. Là, j'étais là. Hey boy. Donc, c'est ça, il y a quand même des noms qu'on connaît, là, mais pour vous en nommer juste un exemple, là, Bernard Adamus, qui a déjà gagné plusieurs prix et qu'on entend, dont on entend beaucoup parler dans les journaux oui, et autres. Il est dans le palmarès, en plus, c'est fou. En fait, je ne sais pas s'il est dans le nouveau, mais il était dans le dernier puis il est en nouvelle entrée. Il devrait être, encore être là. C'est bon ce qu'il fait, je trippe. Oui, c'est super bon ce qu'il fait, mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas nécessairement justement une... C'est pas la relève en ce moment, puisqu'il y a déjà en quelque part percé, puisqu'on en parle beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'il y a des noms fort intéressants, mais pour vous parler un peu de ce concours, c'est donc le concours de l'alternative musicale qui se déroule du 8 février au 3 mai. Donc, c'est un événement qui se tient quand même sur 3 mois, donc c'est quand même assez long. Bonne période. Et c'est la 14e édition cette année de ce concours. Et donc, les soirées ont lieu les lundis au Lion d'Or. Donc, il y a eu les préliminaires donc qui se sont déroulés du... en fait, c'est toujours en cours. Le 8, 15, 22 février, et là, ça se poursuit 1er, 8, 15 et 22 mars. Ensuite, il va y avoir des demi-finales qui vont se tenir le 12, 13, 14 avril, toujours au Lion d'Or à Montréal sur la rue Ontario. Et finalement, la finale. La finale. La finale va avoir lieu le 3 mai au Club Soda. Et pour les préliminaires, le coût, c'est 6 $. Pour les demi-finales, ça va monter à 8. Et pour la grande finale, ça va être 15 $. Mais c'est quand même pas très dispendieux, là, puisque les préliminaires, c'est toujours 3 artistes par soirée. Ben, c'est ça. T'as 3 bennes pour pas cher. Là. Pour 6 $. 2 piastres par benne. C'est pas bien cher. C'est ça, la relève. On se mourrait. Ouais. C'est vraiment une blague. Et donc, présentement, présentement, avant de continuer, on va l'entendre premièrement une découverte, justement. Bien une découverte, c'est un groupe qu'on a quand même déjà fait jouer ici avec la pièce « Ta voix partout ». C'est la formation Kaloun Saloun qui nous offre un petit style folk, hillbilly, cabaret. Intéressant. Francophone. Ouais. La balade de Jesse Ranger. Oui, exactement. Donc, on va l'entendre ça tout de suite. Puis ensuite, je continue... En fait, je vais vous dévoiler le palmarès actuel des francs-couvertes. Très bien. Donc, on va entendre ça dans le cadre de la chronique Stérotonine de Sophie Laforêt, dans le cadre dont s'appelle Léon des Jeunes, jusqu'à 9h. Kaloum saloum. Jesse Ranger était une poule de truand. A même pas encore eu d'enfant. Arrive bientôt 18 ans. Sait pas trop quoi faire ni comment. Se connaît pas d'autre talent qu'être un peu sauvage pour son temps. Ça l'a bien servi. Jesse s'est enfui avec le gars qui a tué son mari. Prêt à tout pour se faire. C'est peut-être la dernière fois qu'elle sourit. À toutes les fois, elle se dit que c'est peut-être demain que ça finit. Elle pense à sa mère de temps en temps, mais elle l'appelle pas pour autant. Son père la connaît pas vraiment. C'est même pas le nom de tous ses enfants. Conduit un train depuis 20 ans. C'est peut-être à cause de lui que sa fille s'est enfuie avec le gars qui a tué son mari, prêt à tout pour se faire une vie. Toutes les fois, c'est peut-être la dernière fois qu'elle sourit. À toutes les fois, elle se dit que c'est peut-être demain que ça finit. Fait descendre avant le printemps par un gars qui revenait d'en dedans, mort dans la neige dans son sein. Jessie a pas choisi son camp, a pris sa valise et s'est enfui avec le gars qui a tué son. C'est peut-être la dernière fois qu'elle sourit. À toutes les fois, elle se dit que c'est peut-être demain que ça finit. À toutes les fois, elle a peur qu'il n'y ait plus personne dans son lit. À même pas 18 ans, il n'y a pas de quoi rendre fier ses parents. C'était la formation Kaloun Saloon avec la pièce Ballade de Jesse Ranger. Et donc, le sujet dont il est question aujourd'hui, c'est les Francouvertes. Donc, concours de l'alternative musicale qui se déroule à Montréal au Lion d'Or du 8 février au 3 mai. Et les porte-paroles de cette 14e édition sont nul autre que le groupe Carquois. Carquois. David Marin. Et David Marin, oui. Ils sont deux. Puis David Marin, qu'on a reçu en entrevue l'année passée. Oui, assez fou avec. C'est vrai. Monsieur Mono. Oui, c'est les filles de Donne-moi le goût qui ont fait l'entrevue. Alors, c'est ça, je voulais le dire. Et justement, il y a des artistes qui sont passés par ce concours-là qui sont bien connus aujourd'hui. Loco Locas. Loco Locas, qui d'ailleurs était contre les Cowboys fringants et qui avait gagné. Les Cowboys fringants. Oui, bien, en fait, dans la même compétition que les Cowboys fringants la même année. Okay. C'est pas contre eux autres, ils ne se sont pas battus, là, mais je veux dire, c'est Loco Locas, je crois, qui avait gagné. Hein. Et les Cowboys fringants n'avaient pas gagné. Oui, mais je suis pas sûre. Peut-être qu'ils ont gagné. Ah, ils ont peut-être juste passé par là, les Cowboys fringants, parce qu'ils mentionnaient pas s'ils avaient gagné ou non. Mais ils ont passé par là, oui. Ouais, ils ont passé par là. Sinon, il y a Carquois, oui. Doba Caracol, Damien Robitaille, Ariel et La Panthère Rose. Puis, si je me souviens bien, c'est l'année passée, La Panthère Rose, qui était au Francouverte. Bonne question. Ça, je me rappelle pas. Ariel a gagné, je crois, l'année passée. Ah, ben d'abord, c'est l'autre d'avant, mais ça devait être l'autre d'avant, oui. Oui, La Panthère Rose a passé par là aussi. Puis, donc, comme je le mentionnais, les soirées ont lieu les lundis au Lion d'Or. La finale va avoir lieu le 3 mai au Club Soda. Et là, actuellement, vous pouvez vous rendre d'ailleurs sur leur site internet, le www.francouverte, avec un S. Donc, F-A-R-N, comme francophone, et oui. Couverte, comme, mettons, découverte, mais on enlève le D. Couverte, avec un S. Et .com. Donc, sur la première page, vous allez voir le palmarès actuel, donc en date du 11 mars, qui est aujourd'hui. Mm-hmm. Et en ce moment, Kaloun Saloun, qu'on vient d'entendre, tient la tête de ce palmarès, donc en première position. Ah, c'est bien ça. En deuxième position, Mono Grenade, qu'on connaît bien aussi. Oui, qui joue beaucoup, assez fou. Le troisième, moi, c'était quelque chose que je connaissais pas, L'Ours. L'Ours? Ah, mais on ne l'a pas encore présenté. En tout cas, elle s'appelle Léon des Jeunes, on ne l'a pas encore présenté. Mais tout ça, c'est accessible sur le site des Francouvertes. Vous pouvez aller écouter un extrait par artiste. En quatrième position, il y a Louis-Philippe Robillard. Cinquième, Philémon Chante. Sixième, une artiste que Simon aime beaucoup, Michel O. J'adore, je suis tombé sous le charme. Sous le charme de Michel O, avec la pièce qui est sur le site. C'est Assise dans ma tête qu'on va entendre tout à l'heure. En septième position, Jésus les filles. On entend ça aussi. Moi, j'ai passé la pièce mercredi à mon émission. Oui, je l'avais présentée, je pense, moi aussi. Huitième position, Métagruau, qu'on connaît quand même depuis, il me semble, l'année passée. On faisait jouer la pièce Tibia Sauvignon en masse, c'est fou. C'est possible. En 9e position, Domaine à la Rie, qui est un projet assez mystérieux et inquiétant en même temps. En fait, Martin à la Rie, qui est le chanteur de ce projet musical-là, a commencé à écrire quand son père s'est suicidé après la mort de sa mère. Ça y tentait. Donc, oui, ça y tentait, mais c'est ce qui est fascinant, c'est que c'est pas particulièrement déprimant. Oui, il y a une lourdeur qui revient un peu, mais c'est pas, là, exemple, le Husky, son album qui passe assez fou. En tout cas, son seul et unique album, chanson mélodramatique pour romantique cynique, là, je me souviens jamais de comment le prononcer. Ça, dans ma tête, c'est un album qui est déprimant du début à la fin, mais pour Domaine à la Rie, c'est pas le cas. C'est un exutoire, mais positif. Oui, mais positif. Et la pièce Yvette, qui est en fait le nom de sa mère, qui est décédée, est disponible sur le site des Francouvertes. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le MySpace également, myspace.com/domainealarie. Eh oui. Puis, il y a d'autres noms aussi qui figurent, là, qui sont pas nécessairement dans le palmarès. Donc, Micro Armé, Violette Pie, Bernard Adamus, Tire le Coyote, Mono Stéréo, Shampoing, et etc. Il y en a Violette Pie, c'est très bon aussi. On l'a présenté mardi ici en Sabellon des Jeunes. On avait fait un petit spécial Francouvert justement, à voir si on t'aurait invité. Ben oui, hein. Mais t'étais encore sur le lendemain de veille des Jeux de la Com. Ouais, j'étais encore à Moncton. Ouais. Puis, donc, c'est ça. En fait, j'espère que ça vous a permis peut-être d'accrocher sur certains noms. Puis, je vais encore une fois rappeler le site Internet. Vous pouvez aller écouter des extraits de chacun des artistes qui figurent au Francouverte. Donc, le www.francouverte.com. Et là, on va entendre la sublime Michelle O. Oui. Avec la pièce Assise dans ma tête. Tout ça dans le cadre de Stéréotonine. C'est moi qui l'ai dit. Et oui, on s'appelle Lyon des Jeunes jusqu'à 9h, Stéréotonine également de Sophie Laforêt. Michelle O, vraiment un artiste à découvrir. Et d'ailleurs, tu disais aller sur le site des Francouvertes et tout pour entendre la musique. Mais également, vous pouvez aussi écouter C'est fou parce qu'on en présente souvent de la musique émergente et surtout des Francouvertes dernièrement. On a le disque, on le passe. Mais il y a des très, très, très bonnes pièces, sans blague, ça vaut vraiment la peine. Voici Michelle O avec Assise dans ma tête. Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, on a présenté ça lundi pour la journée de la femme. Et ça va jouer souvent. Ouais, journée de la femme power. La femme.